Dominos, dominum, domino, tus, Oh, Sous le vent, sans fond, ominose, ominose. Sous le vent, sans fond, ominose, tout sans fond.